assassinés. Ils ont programmé leur extermination. Et derrière ce drame pris, les droits de Sion. Les ailes de la paix ont saigné notre terre. Les ailes de la paix ont saigné notre terre. Amour et traite inhabitable. C'est qu'il y a ceux qui disaient combattre fait mal. De 200 000 morts pour les libérateurs. Où est le crime? Où est l'honneur?